ça, là, l'entraîneur adverse, il faut qu'il change sa stratégie. Oui. Fait que là, en soi, tu as peur d'une coupe de joueurs. C'est Cash, Galianchuk. Paranto, on sait qu'il... Mais ces deux,